son petit lit blanc et rose. Suzette jase en souriant, elle babille mille choses à sa douce et chère maman. Mais chut, il faut dormir bien vite, nous avons assez bavardé. Faites dodo, chère petite, car petit père va gronder. Et tout en berçant la gamine, la mère lui chante câline. Ferme tes jolis yeux, car les heures sont brèves. Au pays merveilleux, au bon pays du rêve, ferme tes jolis yeux, car tout n'est que mensonge. Le bonheur est un songe, ferme tes jolis yeux. Dans sa chambre de jeune fille, Suzette devant son miroir, à l'heure où l'étoile scintille, vient se contempler chaque soir. Elle admire sa gorge ronde, son corps souple comme un roseau, et dans sa tête vagabonde naissent mille désirs nouveaux. Laisse là tes folles idées, gentille petite poupée. Ferme tes jolis yeux, car les heures sont brèves. Au pays merveilleux, au beau pays du rêve, ferme tes jolis yeux, car tout n'est que mensonge. Le bonheur est un songe, ferme tes jolis yeux. Radio-Canada vient de vous faire entendre Albert Viau et François Brunet, accompagné par Roland Van de Goor, dans la huitième d'une série d'émissions intitulée « Le quart d'heure de la bonne chanson », que l'on vous présente dans le but de répandre au Canada français le culte de la chanson de chez nous. Nous vous invitons à reprendre l'écoute lundi soir prochain à cette même heure. Venez garçons et filles, chantez la bonne chanson, ça se chante en famille, le soir à la maison, ça se chante en famille, le soir à la maison. Venez garçons et filles, chantez la bonne chanson. Radio-Canada.